attendez. Putain, c'est qui ça encore? Oh, ça va ou quoi? Viens. Ouais Roberto, ça va ou quoi? Depuis ce temps-là, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, t'es toujours fourré chez toi. Ouais je sais mec, ces temps-là j'ai arrêté de traîner, barulé. J'usais mon temps dans la musique, j'ai préparé un CD. Un CD de quoi? Et pourquoi dans tes textes t'exprimes quoi? J'exprime ces vérités, ces réalités, toutes ces chances qu'on voit, mais qu'on préfère ignorer, tous ces mensonges distribués qui veulent nous faire gober, tous ces péripéties de la vie, ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Ça c'est bien tout lâcher, franchement toi au moins tu fermes pas les yeux lâchement, en espérant que ça change le regard des gens. Mais au fait, c'est pour qui que tu fais ça? C'est pour ma famille, mes amis, tous ceux qui ont compté, pour tous ces gens aveugles, les yeux fermés, qui savent que de l'autre côté de leurs paupières règne l'obscurité. Tous ceux victimes, le cœur blessé, tous les concernés, ceux qui en ont chié et ceux qui en chient encore, ceux à qui la vie a fait du tort, et ceux en sens l'esprit rempli de remords. Et pour tous ceux qui se voient la face, ceux qui critiquent ces balances, langues de pute et fachos, qu'ils aillent se faire foutre.